On va parler de la Ligue Midget et Junior Régional. C'est la chronique de la Ligue GMS avec une commanditaire Identification Sport. Donc, pour tous vos besoins, que ce soit pour des vêtements ou des accessoires de voyage faits sur mesure, vous contactez Identification Sport ou vous allez sur le site identificationsport.com. On parle avec Pierre Guy. Salut Pierre. Bonjour Danny. Pierre, évidemment, incroyable, mais vraiment, on approche de la fin de la saison. Puis dans la Ligue Junior, en tout cas, là, je me trompe, mais les Marquis de Jonquière ont assuré leur championnat. Oui, c'est ça. En fin de semaine, les Marquis ont assuré leur championnat. Et la lutte pour la deuxième position se fait entre Chicoutimi et Normandin. Et on va avoir un quart de finale entre Robertval et Alma dans un 3-5 qui devrait débuter samedi prochain. Donc, le 22 ou... Là, on est quoi? Le 12. Ouais, c'est ça. Le 12, c'est dans le coin du 22. Là. Ils vont rouler samedi, dimanche. Puis si ça va à bout, ça va continuer en 3-5. Ça va être vendredi, samedi, dimanche, dans l'autre semaine. Puis Jonquière, ben, en étant au premier rang, il s'assure d'un bail, c'est ça? Ben, Jonquière, Chicoutimi, Normandin. Les trois équipes. Jonquière va affronter le gagnant d'Alma Robertval. OK. Jusqu'où c'est important pour les équipes de terminer en deuxième et troisième place? C'est pour le deuxième tour, hein? C'est pour savoir qu'il va avoir l'avantage d'Atlas. OK. Donc, c'est intéressant, puis c'est effectivement. Dis-moi maintenant, dans la Ligue Midget Régionale, il se passe quoi? Dans la Ligue Midget Régionale, je pense qu'on peut dire qu'Alma et les Marquis de Jonquière vont avoir le laisser-passer pour la demi-finale. Okay. Les quatre autres équipes, c'est pas déterminé encore. Normalement, il reste Chipogabo, les SAG, Dolbeau et Saint-Félicien. On ne sait pas encore qui va s'affronter dans un 3-5 pour avoir accès aux demi-finales, affronter les Marquis et les Adelons par la suite. OK. Donc, il nous reste deux fins de semaine. La fin de semaine puis la fin de semaine prochaine. OK. Puis là, les Castors, tu me corrigeras si je me trompe, eux, ils ne jouent pas en fin de semaine. Là. Ils jouent, mais ils jouent dans leur tournoi. Là. C'est ça, ils jouent dans le tournoi en fin de semaine. La semaine prochaine, ils vont terminer leur saison. Toutes les équipes vont finir leur saison la semaine prochaine. Parce que, comme en fin de semaine, Alma joue trois parties, fait que la semaine prochaine, il ne restera pas grand partie. OK. Donc, pour la Ligue Midget Régionale, donc ça risque d'être encore une fois intéressant. Oui, ça va être encore très intéressant pour la fin de saison. Si on a donné à avoir, mettons, des quarts de finale, l'équipe qui va affronter Chipogamo en quart de finale, ça va être très intéressant. Soit que ce soit les Serres ou Dolbeau, ça va être très, très, très intéressant. Okay. C'est deux équipes. La seule équipe qui a un petit peu de difficulté, c'est Saint-Félicien. Avez-vous changé la formule des séries, finalement? Oui, ben on l'a changé. On est obligé de changer... Ouais. Changé parce que là, on avait six équipes qui passaient dans les séries au lieu de sept. Mm. Donc, avec sept, on y allait un laissé-passer, les trois autres équipes s'affrontaient. On avait deux sections. Là, on a rien qu'une section, deux séries. On a dit les deux premiers, elles étaient acceptées par les équipes à la réunion la semaine passée. Les deux premières positions vont direct en demi-finale. Après ça, 3-6, 4-5 s'affrontent. Okay. Le plus bas gagnant des quatre va affronter la première position, puis la deuxième position va affronter l'autre grognon. OK. Donc, c'est sûr que c'est pour accommoder tout le monde que vous avez fait ça? Oui, c'est pour accommoder tout le monde aussi. Tout le monde allait dans les séries, donc on n'avait pas le choix. Tu sais, il fallait s'ajuster en conséquence. Puis toutes les équipes étaient d'accord, vu que Bécomo et Sept-Îles ne participent pas à nos séries. Oui. OK. Ça fait pas mal le tour pour cette semaine? Oui, pour cette semaine, c'est beau. La semaine prochaine, on pourra peut-être parler... des records des meilleurs compteurs, des trophées individuels qui vont se donner dans le junior, pas le midget, parce que ça n'a pas fini. Okay. Dans le junior, au moins, te donner les meilleurs compteurs, les meilleurs gardiens de but, tout devrait se terminer dimanche. Donc, on devrait être bon pour tout sortir de la liste. Ben oui. On devrait être bon pour se parler de ça la semaine prochaine, avant le début des séries Robertval-Alma. OK. Fait qu'on se reparle la semaine prochaine, Pierre. Parfait, Danny, merci. Pierre Gay, qui est le président de l'Ligue GMS.